L'exposé de Jean-François Augoyard, directeur du Cresson, prolonge un travail plus ancien, la production de l'environnement sonore, travail dans lequel la notion d'acte sonore avait déjà été analysée. Définir ce qu'est un faiseur de bruit, c'est s'interroger sur l'acte sonore. Trois constats servent de fondement. Le bruit est toujours attribué à autrui. Il est difficile de se reconnaître personnellement comme faiseur de bruit. Il existe un hiatus important entre l'analyse de la production sonore et celle de l'audition. L'analyse passe alors par deux étapes. Primo, s'interroger sur la connaissance de l'acte sonore, et secondo, grâce à un travail d'enquête, à définir les éléments que l'on peut dégager. Jean-François Augoyard. Premièrement, on peut s'amuser à classer les actions sonores, selon leur type, leur forme. Alors, d'une part, on peut s'interroger sur l'origine de la production sonore. Qui produit l'environnement sonore? Alors, on obtiendrait des classes générales d'actions. Alors, le simple fait de se poser la question nous fait dire, mais tout de même, l'environnement sonore n'est pas un donné factuel, une espèce d'état de nature stable. Il change tout le temps selon trois types d'actions. Un, selon l'action naturelle. Celle-là est peut-être la plus stable. L'autre classe est un peu plus complexe, l'action sonore, c'est bien les actions humaines, productrices de sons entendus, presque comme des signes, ou bien comme des indices. Ce sont tous les sons produits pour eux-mêmes, c'est-à-dire dont l'acte a pour finalité de faire du son, point. Alors, on peut dire que la musique, entendue comme acte général, a bien ce but-là, elle produit des sons qui sont significatifs parce qu'ils font système. Et puis, une troisième catégorie, qui est mixte, ce sont les sons à caractère symbolique. Par exemple, sonner une cloche, faire entendre un jingle, voilà un acte symbolique. Et puis, il y a une classe d'action sonore, celle-là est en fait la plus problématique. Alors, c'est toutes celles que nous oublions. Et c'est là que se pose la question au niveau de cette classification. Pourquoi cet oubli monumental dans notre culture de mille et une petites actions sonores que nous faisons tout le temps et dont nous ne nous rendons pas compte? Alors, première chose, il est évident que la fonction de l'oubli, comme ailleurs, est fondamentale et que heureusement que nous ne faisons pas toujours attention à nos actions sonores, à tous les petits bruits d'accompagnement, par exemple, qui sont autour de la parole. Bien. Alors, on peut se demander, de ce point de vue-là, est-ce que notre civilisation, notre savoir, a tout de même classé ces actions sonores? Alors ça, c'est le second type de classification que je propose. Nous avons d'abord des codes sonores constitués. En tout premier, alors, le discours musicologique, c'est d'une part la théorie musicale, les prescriptions d'instrumentation, mais aussi, dans le discours musicologique, le sociologue doit aller jusqu'aux commentaires des disques jockeys. Comment faire du rap, par exemple. Second type de code d'analyse qui est constitué, c'est l'ethnomusicologie traditionnelle. Alors, celle-là, elle travaille bien sur les actes de production sonore dans une culture qui n'est pas la nôtre. Bien, alors on peut s'interroger à la suite de cela sur est-ce qu'il existe alors une ethnologie, non pas de la musique, mais des sons plus courants, d'une ethnosonologie. C'est une démarche par laquelle l'observateur ne se contenterait pas d'aborder les sons remarquables du point de vue de sa propre culture, mais c'est l'ensemble des pratiques sonores d'un groupement social, d'une société tout entière, qui mériterait observation, pour la raison au fond évidente, qu'une société se donne à entendre, aussi bien qu'à voir ou qu'à sentir. Je parle de l'olfaction. Troisième classification que je propose et qui pose aussi une question, c'est à propos de la modalité. Doit-on distinguer, d'une part, une modalité active du sonore, d'autre part, une modalité perceptive, réceptive? Et qui est cette idée que la perception inclut un acte parce qu'elle est structurante de la personnalité. Alors, je voulais donner maintenant plutôt quelques éléments qui viennent du terrain. Nous avons donc, à l'occasion de ce problème de méthode, mis au point une technique qui s'appelle un entretien sur écoute réactivée. C'est donc l'idée d'enregistrer des sons de la vie quotidienne des habitants et en recomposant ensuite une bande sonore qui va servir de bande réactive. Nous faisons passer une bande locale, donc des sons du lieu, et une bande test générale qui sert un peu de référent et qui permet de voir comment chacun des interviewés réagit sur des sons plus codés. Alors, je peux très peu développer. Ce que je dirais simplement, c'est que ce type de démarche permet au moins de retrouver ce que nous voulons savoir, quel est l'écart entre le son propre et le son figuré, le son que chacun réentend à sa manière. Donc, je crois que l'intérêt ici peut être triple. Un, c'est l'écart entre la bande-son et les propres actions sonores. Là, on peut avoir des choses qui apparaissent. Par exemple, des gens qui disent « Est-ce que je fais vraiment tant de bruit le matin ?» Le second écart, c'est entre l'action personnelle et l'action d'autrui. Travailler sur l'action sonore ne passe jamais uniquement par une reconnaissance de l'acteur sonore sur sa propre action. Troisième écart, c'est l'écart entre l'action personnelle et la perception de cette action. Par exemple, quand on fait entendre une bande, on entend souvent « Oh là, mais là, vous avez gonflé les niveaux et tout. » On ne fait pas du tout autant de bruit que ça. D'ailleurs, on fait beaucoup plus attention au pas que nous faisons le matin, à la manière de tirer la chasse, etc. Donc là, on a des éléments intéressants qui nous permettent de voir qu'en fait, dans la vie quotidienne, il y a bien des attitudes qui, de manière instinctive, infraconsciente, pour ne pas dire inconsciente, nouent bien cette circulation entre l'acte sonore et la perception sonore. Bien, je vais donner peut-être quelques conclusions sur, parmi pas mal d'autres qui nous sont apparues dans ce travail. Alors simplement, travailler sur la production sonore fait quand même apparaître quelques éléments. Un, c'est qu'on a une très grande dispersion, une variation discrépante des attitudes selon les types de lieux quotidiens, les lieux de référence dans lesquels on a enregistré et selon les codes culturels. Vous avez des gens qui repèrent dans la bande générale les sons de leur immeuble en disant « Oh ça, ça a été pris chez moi dans mon couloir » car nous avions introduit dans la bande générale des éléments d'enregistrement de toutes les bandes locales, quelques-uns, mais qui ne repèrent plus ces sons dans la bande locale. Tout d'un coup, c'est une séquence du vécu sonore qui est alors un peu syncrétique, un peu remontée, qui est donnée à entendre, et les réactions ne sont plus les mêmes. Donc réagir sur un donné qu'on présente comme un représenté général, et puis faire entendre les mêmes sons dans une séquence sonore qui veut rejouer un peu, ou au moins réévoquer les sons vécus, on a des réactions tout à fait différentes, jusqu'à la non-reconnaissance de ces sons et la négation radicale. Non, c'est pas vrai, vous avez trafiqué, c'est pas les mêmes sons dans les deux bandes. Là, voilà des éléments qui me paraissent importants, et alors qu'on peut analyser à travers différents filtres, des filtres culturels. Par exemple, les pas sourds dans l'escalier que nous avions mis traversent toutes les classes sociales, il n'y a pas de problème. Il y a un code culturel général qui évoque bien toujours le même type d'activité sonore et les mêmes connotations. Ces éléments-là avaient aussi levé la question des bruits de voisinage intra-logement. Car effectivement, travailler avec des interviewés sur les sons de leur propre logement ou de l'environnement font revenir des questions de ce type-là. Je crois que c'est une question depuis, chez les praticiens d'acoustique ou d'autres gens, qui commencent à être posées, en tout cas qui posent des questions de limite. Comme pour la perception, l'action sonore fait voir tout d'un coup que la limite territoriale qu'on croit être la sienne, parce qu'elle est vue, peut être transgressée complètement par les sons et par l'action des autres. Mais cette limite passe aussi à l'intérieur du logement. Je voulais remarquer aussi que dans cette étude, nous avions déjà vu apparaître d'importants éléments de régulation sociale du bruit produit. Il existe réellement, ce n'est pas une part non signifiante ou tout à fait négligeable, de mécanismes donc, où on a intégré le fait qu'on fait du bruit, enfin qu'on est acteur sonore, je dirais, de manière plus globale. Et donc il y a des phénomènes de régulation qui peuvent être baisser le son, qui peut être de décider qu'on s'arrêtera à tel moment et qui peut aller jusqu'à une espèce de code, une espèce de. Comme s'il y avait une discussion entre les gens d'un voisinage. Il y en a un parce que c'est l'été qui pousse sa télé un peu plus loin dans le temps, et c'est un peu fort, il y a un match, etc. Alors, les autres y vont aussi, puis à un certain moment, alors il y a des conflits, mais dans d'autres cas, l'un commence à baisser sa télé, ce qui, du point de vue acoustique, n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il y a le masque de toutes les autres, comme si les autres avaient entendu que le premier baissait sa télé, alors tout le monde les baisse progressivement, et on s'arrête, on va se coucher. Voilà des mécanismes là qui ne sont pas dits, qui sont tout à fait des espèces d'actions immédiates et qui intègrent cette régulation, ce qu'on peut appeler aussi une régulation sociale des rapports de voisinage.